métier. Dis-leur aux petits, ce qu'ils font ça se fait pas. Mais bon, ça leur fait plaisir. Ici ça se fait la peau, jamais ça s'arrête. Je vais bouger aux îles Palace, laisse-moi loin de la tête. Espèce de monde de pélélé, tout se résout à la calala. Moi j'écoute mon rat de pélélé, ça me cherche, je suis pas là. Ouais les gars, pour finir dans le top, ici ça se fait des boss. Et ça craque ta caisse, ça t'attend à ta boss, boss. Ça t'attend à ta boss, boss. Ça te cross, tu cries oh my godness. Dans la rue tu me vois plus trop, je me fais rare comme un diamant. Je me vois pas arrêter tout, ça la zique mon médicament. Remix tous ma vie à leur sauce en diffamant. Si ça me cherche, dis-leur que je me suis fait les ligaments. Parle de moi, quelle vie, avec le bien que j'ai fait ces choses. C'est pas facile dans la ville, tu sais qu'il faut faire le monde en folie. Quand je passe dans l'audi, ça se tord le cou, ça fait le signe, ça même ça maudit. Et je mute ma phobie. On dit merci, ouais, ils auront un spoopy. La tête d'un gopi, putain, j'ai trop clippé. J'ai envie de profiter, sache que je me fais encore plus rare quand on m'a trop cité. Je me rends pas fou, j'ai pas la tête. Dans mon cœur c'est trop le désordre. Si j'ai pas le temps de voir ma famille, c'est que j'ai pas le temps de parler des autres. On pourra plus reparler, mon sang je te l'avais dit. Je serai plus jamais moi après toutes ces péripéties. Tu me fais me répéter, on dirait que je parle dans le vide. Quand je serai partout, venez pas et appelez-moi monsieur. Dans la rue tu me vois plus trop, je me fais rare comme un diamant. Je me vois pas arrêter tout, ça la zique mon médicament. Remix tous ma vie à leur sauce en diffamant. Si ça me cherche, dis-leur que je me suis fait les ligaments. Parle de moi, quelle vie, avec le bien que j'ai pris ces choses. C'est pas facile dans la ville, tu sais qu'il faut faire le monde en folie. Quand je passe dans l'audi, ça se tord le cou, ça fait le signe, ça même ça maudit. Et je mute ma phobie. On dit merci, ouais, ils auront un spoopy. La tête d'un gopi, putain j'ai trop clippé. J'ai envie de profiter, sache que je me fais encore plus rare quand on m'a trop cité. Le monde